Amis humains, bonjour. L'économie mondiale fait le bonheur des 1%. La plaisanterie est attribuée à l'économiste américain Joseph Stiglitz. Maintenant, un but suffit pour rassembler les milliardaires qui possèdent la moitié des richesses mondiales. Pour poursuivre, il aurait fallu 2 wagons ou un peu plus pour véhiculer les milliardaires les plus riches en 2010. Cette image résume à elle seule l'accumulation de richesses et le creusement des inégalités sans précédent dans le monde depuis la fin du 19e ou au début du 20e siècle. En 2015, 62 personnes possédaient à elles seules les mêmes richesses que 3,5 milliards de personnes, soit la moitié la plus pauvre de l'humanité, contre 388 personnes en 2010, rappelle le dernier rapport Oxfam sur les inégalités, publié le 18 janvier. Ces 62 milliardaires ont vu leur fortune augmenter à la vitesse de la lumière, plus 44% entre 2010 et 2015, soit une hausse de 542 milliards de dollars. Leur fortune cumulée représente désormais 1760 milliards de dollars. Dans le même temps, les richesses de la moitié la plus pauvre de l'humanité ont diminué de plus de 1000 milliards de dollars au cours de la même période, soit une chute de 41%, souligne Oxfam. Ces chiffres, publiés désormais chaque année à la veille du sommet de Davos qui réunit l'élite économique mondiale, finissent manifestement par agacer. Beaucoup y voient une jalousie contre les responsables qui ont réussi. Des critiques ont commencé à circuler sur les analyses de l'ONG Oxfam. Les comparaisons frappent l'imagination mais ne reflètent pas la réalité, est-il rétorqué. Les 62 milliardaires les plus riches contre les 50% les plus pauvres. Les statistiques d'Oxfam s'appuient sur les rapports sur la richesse mondiale établis chaque année par le Crédit Suisse, car ils ont l'avantage d'estimer les patrimoines entiers qui sont devenus les principaux moteurs de l'accumulation des grandes fortunes, compte tenu de l'inflation des différents actifs immobiliers et financiers plutôt que les seuls revenus. Parmi les reproches formulés contre ces estimations, figure leur méthodologie qui conduit dans les calculs des richesses à déduire les dettes accumulées. Les propriétaires américains qui ont souscrit des emprunts désormais supérieurs à la valeur de leur maison se retrouvent parmi les plus pauvres au monde, ironise ainsi The Economist. En mai dernier, l'OCDE avait publié un rapport sur les inégalités dans le monde. Sa méthodologie est totalement différente. Mais l'institution arrivait aux mêmes conclusions. Au cours des 30 dernières années, les inégalités de revenus se sont creusées dans la plupart des pays de l'OCDE, pour atteindre parfois des niveaux historiques. Le coefficient de Gini, une mesure courante des inégalités de revenus qui varie entre 0 lors d'une égalité totale de revenus et 1 lorsque le revenu total va à une seule personne, s'élève aujourd'hui en moyenne à 0,315 dans les pays de l'OCDE. Il dépasse 0,4 aux États-Unis et en Turquie et frôle 0,5 au Chili et au Mexique, écrivait-il d'emblée. Tandis que les 1% s'enrichissent, 40% de la population mondiale s'appauvrit, était-il rappelé. La question des inégalités, très débattue depuis la publication du livre Le Capital au XXIe siècle par Thomas Piketty, est donc bien un des sujets centraux de l'économie mondiale, mettant en cause la cohésion des sociétés, la démocratie et même la croissance économique, insistait l'OCDE. Selon l'organisme, le creusement des inégalités pesait sur la croissance et le développement économique mondiaux. Évolution entre la productivité et les salaires. À la source de ce fossé grandissant et menaçant, il y a l'inversion historique entre le capital et le travail mise en œuvre depuis les années 1980. L'une des principales raisons alimentant cette incroyable concentration des richesses et des revenus est la croissance des rendements en faveur du capital, au détriment du travail. Dans la quasi-totalité des pays riches et dans de nombreux pays en développement, la part du revenu national revenant aux travailleurs a chuté. Autrement dit, les travailleurs récoltent de moins en moins les fruits de la croissance. A contrario, les détenteurs de capitaux ont vu leur capital constamment augmenter, sous la forme d'intérêts, de dividendes ou de bénéfices non distribués, à un rythme supérieur à celui de la croissance économique, rappelle le rapport d'Oxfam. Les salariés et des travailleurs ne sont plus associés aux gains de l'innovation, de la technologie, de la croissance, de la productivité. Leurs revenus ont totalement décroché de l'expansion connue ces 30 dernières années. L'essentiel a été capté par les détenteurs de capitaux. Les chiffres cités par Oxfam sont là encore impressionnants. Entre 1988 et 2011, les 10% les plus riches dans le monde ont capté 46% de la croissance des revenus. Dans le même temps, les 10% les plus pauvres n'en recevaient que 0,6%. La crise a encore accentué le fossé. Tandis que les plus pauvres payaient lourdement les conséquences de la crise financière, les milliards déversés par les banques centrales pour relancer la machine économique étaient préemptés par les grandes fortunes. Le secteur financier en a été le principal bénéficiaire. Désormais, un milliardaire sur cinq est lié au secteur financier, selon le rapport d'Oxfam. C'était une sélection radio parasite. À bientôt et grosse bise numérique.